بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن هذه الجمعة هي أول جمعة في هذا العام وقد صدق الله تعالى ومن أصدق من الله قيل حيث قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال جل شأنه وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال عز من قائل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا السير الحثيث يباعد عن الدنيا ويقرب إلى الآخرة يباعد من دار العمل ويقرب من دار الجزاء يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أخرجه البخاري في صحيحه ومن أعظم الحكم في تعاقب السنين وتغير الأحوال والأشخاص أن ذلك دليل على كمال عظمة الله سبحانه وقيوميته فهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Sachez que ce vendredi est le premier vendredi de l'année, que ce soit l'année égyrienne ou l'année grégorienne. Et malheureusement, les musulmans à notre époque donnent plus d'importance au calendrier grégorien qu'au calendrier égyrien. Sachez que le calendrier grégorien n'a aucune source en islam. Il a même été imposé par le pape Grégoire XIII. Le fait donc de donner plus d'importance, au calendrier grégorien plus qu'au calendrier égyrien qui est islamique, qui commence depuis l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a instauré Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ce vendredi donc, le premier vendredi de l'année, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre qu'Allah fait suivre les jours et la nuit et qu'il y a dans cela un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ainsi nous faisons alterner les jours parmi les gens. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le verset 20 de Surat le Fer, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient, c'est-à-dire qui vient suivre cette pluie, émerveille les cultivateurs. Puis, elle se fane, c'est-à-dire cette végétation, et tu la vois donc jaunir. Ensuite, elle devient des débris, et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi un pardon, et un agrément de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la vie présente n'est que jouissance éphémère. Cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse, que ceux qui sont dupés par cette vie d'ici-bas ouvrent leurs yeux, car après tous les biens qu'aura pu y connaître l'être humain, la destinée de tout le monde est qu'il partira de cette vie d'ici-bas en n'ayant aucune chose matérielle en sa possession. Ainsi, les jours se suivent, ainsi que les semaines, les mois et les années, et plus les années passent, et plus nous nous rapprochons de la vie éternelle, plus nous nous rapprochons de la vie éternelle et nous nous éloignons de cette vie et c'est éphémère. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah, cette vie d'ici-bas part derrière nous. Quant à la vie de l'au-delà, elle vient devant nous et à chacune de ses demeures. À chacune de ces demeures, ses enfants, faites donc partie des enfants de l'au-delà et non des enfants d'ici-bas. Car aujourd'hui, il y a des actes sans jugement et demain, il y aura des jugements sans actes. Et parmi les plus grandes sagesses de l'alternation des jours et de la nuit, il y a l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose et que c'est lui le seul et unique qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala, car c'est le premier, il n'y avait avant lui personne, et c'est le dernier, il n'y aura après lui personne. Tout ce qui sera sur cette terre est mené ou est voué à être anéanti et il ne restera que le visage de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. أيها المسلمون إن تعاقب الشهور والأعوام قد يكون نعمة أو نقمة عليك فطول العمر ليس نعمة بحد ذاته فإن طال عمر العبد ولم يعمره بالخير فإنما هو يستكثر من حجج الله عليه أخرج الإمام أحمد والترمذي في سننه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وها نحن أيها المسلمون نودع عاما من أعوام العمر فما أسرع ما مضى وانقضى وما أعظم ما حوى فكم من حبيب فيه فارقنا وكم من اختبار وبلاء فيه واجهنا وكم من سيئات فيه اشترحنا وكم من عزيز أمسى ذليلا وكم من غني أصبح فقيرا وكم من حوادث عظام مرت بنا ولكن أين المعتبرون المبصرون وأين الناظرون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Sachez que l'alternation des jours et de la nuit et la succession des mois et des années et le fait de vivre longtemps n'est pas forcément un bienfait. C'est un bienfait pour celui qui a comblé toute cette existence dans le bien et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui n'a pas rempli toutes ces années, qui n'a pas rempli toutes ces années par des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien plus les années passent et plus les preuves contre lui s'accumulent. Al-Imam Ahmad et l'imam al-Tirmidhi rahimahumallah rapporte selon Abu Bakr radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux qui vivent longtemps et dont les actes sont bien, et les pires des gens sont ceux qui vivent longtemps et dont les actions sont mauvaises. Nous venons donc de laisser derrière nous une année supplémentaire. Une année qui est passée, comme vous l'avez pu le constater, extrêmement vite. Combien de proches avons-nous laissés derrière nous et qui ont quitté cette vie d'ici-bas? Combien d'épreuves avons-nous dû subir? Combien de péchés avons-nous accomplis? Et combien de personnes qui étaient riches sont devenues pauvres? Et combien de personnes qui étaient pauvres sont devenues riches? Mais où sont les personnes qui raisonnent et qui méditent? Où sont les personnes qui raisonnent et qui méditent dans tous ces bonheurs et dans tous ces malheurs? Où sont ceux qui réfléchissent à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deux immenses bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. La santé et le temps libre font partie des bienfaits les plus immenses dont Allah subhanahu wa ta'ala te comble. Tâche donc à en faire le meilleur usage possible. Ayyuha al-muslimoun. Ya Abdallah, هل تعلم أنك أمضيت في العام الماضي أكثر من 360 يوما أي أكثر من 8000 ساعة وما يزيد على 500,000 دقيقة؟ فيا عبد الله كم بربك من هذا الوقت قضيته في لهو مباح وناهيك عن اللهو الغير المباح وكم قضيته في تراخ وكسل ونوم واسترخاء ودنيا محضة وكم تبقى بعد ذلك لله ورسوله؟ هل تعلم أن قلبك قد نبض في العام المنصرم نحو 40 مليون نطبة بانتظام لا مثيل له ودقة متناهية؟ فمن ذا الذي صان هذا القلب؟ ومن ذا الذي حفظه حتى أدى تلك المهمة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فهل تضمن أن تؤدى المهمة في العام القادم بنفس الكفاءة والأداء أم أنه قد يتوقف وتتوقف الحياة؟ هل تعلم أنك قد شهقت وتنفست في العام نحو 11 مليون شهقة وزفرت مثلها؟ في كل واحدة منها أخذت من الهوى أكسجينه النافع الذي أودعه الله فيه وأخرجت إليه كل ضار ولم يتوقف التنفس لحظة واحدا. من ذا الذي من عليك براحة التنفس بينما هناك كثير من الناس من يعاني من ضيق النفس؟ إنه الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل. فهل شكرت الله سبحانه وتعالى؟ هل شكرت تلك النعمة العظيمة؟ هل كانت تلك الأنفس تتردد في صدرك وأنت على طاعة الله؟ أم أنها كانت تتردد في صدرك وأنت عياذا بالله على معصية الله؟ وهل كان يدخل مع تلك الأنفاس ذكر الله سبحانه وتعالى أم كان يدخل معها نتن الدخان؟ Sachez, chers musulmans, que l'année précédente, tu as vécu plus de 360 jours, c'est-à-dire plus de 8500 heures, c'est-à-dire plus de 500 000 minutes. Combien de ce temps as-tu consacré dans les choses licites ? Et combien de tout ce temps as-tu consacré dans les choses illicites? Combien de temps as-tu consacré à la fainéantise, au sommeil? Combien de temps as-tu consacré dans cette vie d'ici-bas? Après avoir fait ce décompte, regarde et remets-toi en cause et compte combien de ces 500 000 minutes tu as consacré à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Sache également que ton cœur, durant cette année, a battu plus de 40 millions de fois. Un cœur qui a battu plus de 40 millions de fois dans une synchronisation quasi parfaite. Qui a protégé ce cœur? Qui a conçu ce cœur? Et qui a fait en sorte que ce cœur ait fait son travail et ait battu autant de fois dans l'année? Et es-tu persuadé que ton cœur battra encore 40 millions de fois cette année? Es-tu sûr qu'il te permettra de vivre jusqu'à l'année prochaine? Non, personne n'est sûr de cela. Prépare-toi donc à ce dernier battement qui sera la séparation entre cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Sais-tu également que tu as respiré dans cette vie d'ici-bas ou dans l'année précédente plus de 11 millions de fois, et que tu as inspiré le nombre équivalent dans chacune de ces respirations? Tu as respiré et ton corps a puisé de cet air l'oxygène qui est nécessaire à son bon fonctionnement. Et qu'en inspirant et qu'en expirant, tu as rejeté toute chose mauvaise de ton corps. Qui a permis tout cela? As-tu remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces inspirations et pour toutes ces expirations qui sont, comme je l'ai dit, plus de 11 millions de fois sans que tu ne t'en rendes compte? Sans que cela te demande le moindre effort, sais-tu que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de respirer sans s'en rendre compte? As-tu remercié Allah subhanahu wa ta'ala? As-tu remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait? Et toutes ces respirations ont-elles été accompagnées du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ont-elles résonné dans ton corps en étant accompagné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la lecture du Coran, ou bien ont-elles été accompagnées de musique et de paroles obscènes? Ou bien cet air que tu as respiré était-il accompagné de cette fumée néfaste? De cette fumée néfaste dont beaucoup de gens sont éprouvés, l'odeur de la cigarette, la fumée de la cigarette et de tout autre produit stupéfiant, cela a-t-il été accompagné de choses licites ou bien de choses illicites? Remets-toi en cause, cher frère en islam. Ayyuha al-muslimun, laqad hasalta fil 'am al-madi 'ala alaf al-yuru'at kullun hasaba dakhlihi fa billahi 'alayk kam yuru'an anfaqtahu lillah لن يبقى لك إلا ما أنفقته لله ورسوله. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يذبح شاة ويتصدق بها ثم يسأل زوجته في تربية بديعة لها ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها رواه الترمذي. واعلم أنك كان عليك في العام الماضي 1800 صلاة فريضة، فكم ضيعت منها بعذر وغير عذر، وكم صليت منها في المسجد في جماعة بخشوع وتدبر، وكم نقرتها كنقر الديك على عجالة والبال مشغول. هل قرأت في القرآن؟ هل قرأت القرآن في العام الماضي بتدبر 12 مرة وفي كل شهر مرة، أو على الأقل 6 مرات في العام؟ إن لم تكن كذلك فنخشى أن تكون من الذين يشكوهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مولاه يوم القيامة ويقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Chacun d'entre nous a gagné pendant l'année précédente des milliers d'euros, chacun selon son salaire. Combien d'euros as-tu dépensé dans le sentier d'Allah? Sache que ce qui restera est ce que tu as dépensé dans le sentier d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en aumône une brebis qu'il a égorgée et a donné en aumône. Puis, il a questionné une de ses épouses afin de l'éduquer et de lui enseigner les bonnes valeurs. Il lui a dit « Que reste-t-il de la brebis ?» Elle a répondu « Il ne reste que son épaule. » Et le prophète sallam lui a dit « Non, il reste tout sauf l'épaule. » Autrement dit, tout ce que tu dépenses pour Allah subhanahu wa ta'ala, sache que c'est cela et uniquement cela qui restera et qui te sera profitable le jour du jugement. Sache aussi que l'année précédente, il y avait 1800 prières obligatoires à accomplir. 1800 prières obligatoires à accomplir. Combien de ces prières as-tu délaissées, avec excuse ou sans excuse? Combien de ces prières as-tu accomplies dans la mosquée, en réunion avec les musulmans? Combien de ces prières, ou dans combien de ces prières étais-tu concentré et distrait? Combien de prières as-tu accompli comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans certains hadiths, de ne pas prier la prière du coq, de ne pas prier la prière du coq. Combien de prières as-tu accompli en ressemblant au coq, c'est-à-dire en accomplissant à toute vitesse une prière dénuée et dénudée de toute concentration et de toute crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de fois as-tu lu le Coran l'année précédente? L'as-tu lu au moins 12 fois, c'est-à-dire une fois par mois? Ou au pire des cas, l'as-tu lu au moins 6 fois dans l'année? Si ce n'est pas le cas, alors prends garde à ne pas faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindra le jour du jugement à Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous en informe Allah azza wa jal dans sourate discernement, le verset 30. Et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اعلموا أن شهر محرم هو شهر عظيم مبارك، وهو أول شهور هذه السنة الهجرية، وأحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان كما في صحيح البخاري. Sachez que ce mois-ci, le mois de Muharram, est un mois béni, un mois sacré, qui est le premier mois de l'année égyrienne et qui fait partie des mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit Allah azza wa jal dans Surat le Repentir. Les mois chez Allah sont au nombre de 12. Le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 de ces mois sont sacrés. N'offensez pas vos personnes dans ces mois-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défini dans sa sunna authentique ces 4 mois sacrés. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: l'année est composée de 12 mois. 4 parmi ces mois sont sacrés. 3 se suivent: Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah et le Muharram. Et Rajab vient entre le mois de Jumada et le mois de Sha'ban. ومن فضائل شهر المحرم أنه يستحب الإكثار من صيام النافلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام أو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم في صحيحه. وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه. ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم ونحن نصومه تعظيما له. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم في صحيحه. Il est recommandé durant ce mois de Muharram de jeûner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jeûnes après le jeûne du mois du Ramadan est le jeûne du mois Muharram. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il y a trouvé les juifs qui jeûnaient le jour de Ashura, qui est le 10e jour de Muharram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: qu'est-ce? Ils ont dit: c'est un jour béni. C'est le jour dans lequel Allah a préservé les fils d'Israël de leur ennemi. Et Moussa alayhi salam a jeûné ce jour en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi salam a dit: je suis où Moussa a plus de droits. Nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Et le prophète sallallahu alayhi salam l'a jeûné et a ordonné qu'on le jeûne. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le hadith de Abi Qatada: le jeûne du jour de Ashura, j'espère auprès d'Allah qu'il sera la cause de l'expiation des péchés de l'année précédente. Et quand au jour de Ashura, le 10e jour de Muharram de cette année, il sera le jour du mercredi prochain, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Il est également recommandé de jeûner le 9e jour, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le jour qui le précède, c'est-à-dire le 9e jour de Dhul-Hijjah. ثم اعلموا ايها المسلمون اننا نتابع بكل اسى وحزن والم ما جرى ويجري على اخواننا المسلمين في فلسطين وفي قطاع غزه على الخصوص من عدوان وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وانتهاك للمحرمات وتدمير للمنازل، ولا شك أن ذلك إجرام وظلم في حق الشعب الفلسطيني. وهذا الحدث الأليم يوجب على المسلمين الوقوف مع إخوانهم والتعاون معهم ونصرتهم ومساعدتهم، والاجتهاد في رفع الظلم عنهم بما يمكن من الأسباب والوسائل، تحقيقا لأخوة الإسلام ورابطة الإيمان. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنصرة شاملة لأمور عديدة حسب الاستطاعة ومراعاة الأحوال، سواء كانت مادية أو معنوية، وسواء كانت لعموم المسلمين بالمال والغذاء والدواء والكسى وغيرها. ومن ذلك أيضا بذل النصيحة لهم ودلالتهم على ما فيه خيرهم وصلاحهم، ومن أعظم ذلك الدعاء لهم في جميع الأوقات برفع محنتهم وكشف شدتهم وصلاح أحوالهم وسداد أعمالهم وأقوالهم. Sachez que ce que nous suivons avec la plus grande des tristesses, ce qui arrive et ce que subissent nos frères musulmans palestiniens, et en particulier dans la bande de Gaza, l'offense dont ils sont victimes, les assassinats d'enfants, de femmes et de vieux, et le fait de détruire toutes les choses respectables, que ce soit l'honneur et ce qui préserve la personne, il n'y a aucun doute que ceci est de la barbarie, que ceci est de l'offense envers le peuple palestinien. Et ces événements malheureux obligent les musulmans d'être auprès de leurs frères musulmans palestiniens, de les aider, de faire en sorte qu'ils connaissent la victoire, d'essayer de faire cesser toutes ces offenses dont ils sont victimes, car l'islam nous y oblige, car ce sont nos frères en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants sont des frères. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: les croyants et les croyantes, ce sont des alliés entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est envers le croyant comme un édifice qui se soutient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entrelacé ses doigts. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: les croyants, dans leur amour, dans la miséricorde et dans la tendresse qu'ils éprouvent les uns des autres, sont comparables à un corps uni, à un corps unique, qui, lorsque l'un de ses membres est malade, c'est l'ensemble du corps qui est éprouvé par la fièvre et par l'impossibilité de dormir. Et de donner victoire à nos frères doit être fait selon les moyens possibles, selon les moyens possibles, comme le fait de les aider financièrement, de leur envoyer de la nourriture, des médicaments ou bien des vêtements, et également d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, d'invoquer à tout moment et en particulier pendant les prières, lorsque le musulman est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lève cette épreuve qui les touche et qu'ils raffermissent leurs pas et leurs œuvres. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف الغم عن هذه الأمة، وأن يعز دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر أولياءه، وأن يخذل أعداءه وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم يا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وزلزل اللهم الأرض من تحتهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اقتلهم مددا ولا تبقي منهم أحدا، يا قوي يا عزيز. وأقم الصلاة.